Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu préfères te prendre une grenouille dans la tronche et tomber dans les pommes ou te faire pipi dessus en pleine émission télé? Ah merde. C'est technique. Grenouille sur la tronche. La grenouille sur la tronche. Happy of need. The need for sea. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchorman does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Hey, Mr. Mix. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, c'est le retour, c'est le début de la saison 3 de Cruise Control où nous allons nous intéresser aux années 2000 et on va continuer comme d'hab à regarder les films par ordre chronologique et en parler au micro, nos ressentis, tout ça. Aujourd'hui, on parle donc de Magnolia, sorti en 2000 en France, avec des avant-premières en 99 aux États-Unis. Un film de Paul Thomas Anderson où Tom Cruise joue le rôle de Frank T.J. Mackey. Ouais, yeah. Bien dit. Et, du coup, avant de démarrer par notre petit résumé, Serena, est-ce que tu l'avais déjà vu ce film ? Eh bien, oui, je l'avais déjà vu même plusieurs fois. Oh. Et j'étais très contente de le revoir. Cool. Et toi ? Et moi, je ne l'avais pas vu en entier. J'avais vu plein d'extraits à droite à gauche dans des reportages, des trucs comme ça. D'accord. Et je l'ai jamais vu en entier, mais du coup, c'est vrai que voir les extraits, tu te dis, tout le monde te dit, ah, c'est génial, et tu vois juste un extrait, tu fais, bon, je sais pas trop. Ouais. Donc, j'étais assez impatient de le voir, surtout qu'il est quand même très réputé comme film, et du coup, content. Cool. Cool. Alors, cool, ouais, mais moins cool, le résumé. Parce que là, on est sur un film quand même qui dure 3 heures avec plein d'histoires imbriquées. Donc, à résumer, voilà, Serena, maintenant, ouais. Tu reprends le flambeau, là, ça y est. J'espère. J'ai fait 2 épisodes de résumé, là, on va voir si t'es pas trop rouillé. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, déjà, commençons en disant que je vais tout dire, tout raconter. Donc, si vous l'avez pas vu, ben, tant pis pour vous. Alors, on commence les films avec une voix off qui raconte 3 anecdotes. Le premier, New York Herald, donc le journal New York Herald, le 26 novembre 1911, raconte de la pendaison de 3 hommes qui sont pendus parce qu'ils ont tué un homme qui s'appelle Sir Edmund William Godfrey, bon bref, peu importe, qui vivait à Greenberry Hill à Londres. Les 3 hommes s'appellent Joseph Green, Stanley Barry et Daniel Hill, donc ça fait Greenberry Hill. Comme coïncidence? Je ne sais pas. Deuxième anecdote. Le Renault Gazette en 1983 raconte d'un incendie et d'un plongeur qui est mort en haut d'un arbre. Et en gros, on découvre que l'homme s'appelle Delman Dorion, qui était un plongeur sous-marin, qui était un croupier qui adorait les lacs, qui va plonger souvent dans les lacs. L'incendie explose, je sais pas, se déclenche. Les pilotes d'avion prennent l'eau dans les lacs et prennent le plongeur aussi, le lâche en haut de l'arbre et les plongeurs ils meurent. Oui. Les pilotes d'avion, ils se suicident quelques jours plus tard, rongés par la culpabilité parce qu'il avait déjà rencontré ses croupiers 2 nuits plus tôt au casino et s'était bagarré. Coïncidence? Je ne crois pas. Troisième anecdote. En 1961, au dîner des galas de l'assaut des médecins légistes, un docteur parle et raconte d'un suicide. Sidney Barringer, le 28 mars 1958, se jette du toit du bâtiment. Pendant sa chute, il arrive à la hauteur du 6e étage où un couple est en train de se bagarrer et la femme tire avec son fusil et tue Sidney Barringer. Mais c'est de là qu'il s'engueule. C'est pas n'importe qui, c'est les parents de Sid Barringer qui sont du coup interrogés par les policiers Et ils disent, c'est trop bizarre parce que d'habitude, ils se bagarraient tout le temps, mais les fusils n'étaient pas chargés. C'est qui a chargé les fusils? Eh bien, c'est Sidney Barringer lui-même, le mec qui s'est suicidé, parce qu'il voulait que ses parents ils s'entretuent parce qu'il était fatigué, qu'il s'est bagarré tout le temps. Solution logique. Ça n'a rien fait. Donc, la mère de Sidney Barringer, elle est arrêtée pour homicide. Et oui. Et avec, comme complice, eh ben Sidney Barringer lui-même qui est complice de son propre meurtre. Qui est complice de son... Coïncidence ? On ne sait pas. Je ne sais pas. musique du générique du début du film. On nous présente tous les personnages les uns après les autres avec un montage hyper serré. Donc on découvre en tout premier Frank T. Mack et Tom Cruise à la télé qui fait un spot publicitaire, il essaie de vendre son bouquin qui s'appelle « Séduire et détruire » et il fait des cours pour des hommes, pour en gros niquer avec des nanas. Ouais, c'est des pick-up artistes. Mais plus, quoi. C'est pas positif. Hein. Non, pas du tout. Après, on voit Claudia, une nana qui prend de la drogue et couche avec un homme très moche. Ah oui, on juge. D'accord, bah, on en est là. Un homme que tu sens pas bien. Oui. On te le présente pas bien, quoi. Après, on voit Jimmy Gator, qui est un présentateur télévisé qui, à la fin de sa carrière, a fait plus de 12 000 heures de télé. Et il fait surtout un quiz télévisé avec des gamins, qui sont hyper géniales. On voit Stanley Spector, qui est un de ces gamins qui participe à ces jeux vidéo, qui est en train de gagner et battre tous les records. Oui. C'est un putain de génie. On voit Donnie Smith, qui est un adulte, qui était un ancien gamin de cette même émission télé, qui était connu comme les Quiz Kids. Le gamin le plus intelligent de Californie. Voilà. Et qui est chez un dentiste, qui veut se faire mettre un appareil dentaire alors qu'il a les dents parfaites et qui s'écrache avec une voiture dans un magasin tout de suite. Après, on voit Phil Pharma, qui est un infirmier dans une grande maison méga luxueuse où il y a un homme au lit qui s'appelle Earl Partridge. Partridge, voilà. Partridge, ouais. Qui est en train de... On comprend qu'il est en train de mourir, quoi. Oui. On voit Linda, une jeune femme qui est la femme du mec qui est en train de mourir, de oui. Earl Partridge, qui va chez les médecins. Et on voit Jim, un policier de Los Angeles, qui part toute seule dans sa voiture. Oui, et raconte, ça. Et en fait participe à un truc pour trouver l'amour, un espèce de Tinder avant l'époque, quoi. Il laisse un message vocal. Voilà, où il dit, je veux une relation amoureuse, tranquille et très catholique, gars très catholique. Tout à fait. Bam, fin des titres. Titre de la première partie, on lit sur l'écran, ciel partiellement nuageux, 82% d'humidité, je crois, et probabilité des pluies. Bizarre. Okay. Donc c'est la météo, mais c'est cool, après on a une info météo, c'est plutôt sympa. Voilà, on a une info météo. On sait à quoi se tenir. Donc on voit tout, dans la première partie du film, on voit tous les prémices de tous les personnages. Alors Jim, c'est ces policiers qui parlent tout seul, très catholique, qui va en gros de maison en maison pour des plaintes d'étapage. Oui. Donc il va contrôler, quoi. Donc première image, il va dans une maison, il y a une femme qui s'appelle Marcy. Et il dit, on a entendu des gros bruits chez vous, je contrôle, et il trouve un cadavre dans les placards. Bam. Enfin. Voilà, ça c'est... Linda, donc la jeune femme du mec mourant. Ouais, c'est Julianne Moore. Julianne Moore. Qui va chez les médecins, qui le médecin lui dit, en tout cas, Earl va mourir. Donc on peut l'aider avec de la morphine liquide pour sa douleur, mais voilà, il ne va pas s'en sortir. Ouais. Linda est désespérée. Earl, le mec mourant, qui parle à son infirmier, Phil, et il parle de son fils. Il dit, j'ai un fils, il s'appelle Jack. Maintenant, il s'appelle Frank Mackey, donc Tom Cruise. Tom Cruise. Et délire sur une certaine Lily, mais on ne comprend pas trop. L'infirmier, il est choqué de cette révélation, découvrir que Frank Mackey est le fils de Earl. On voit Tom, qui est le gourou des ouf malades, d'une présentation des malades avec la musique de... 2001 Odyssée de l'espace, voilà. De Zarathustra. Voilà, Zarathustra de Strauss, et qui est devant une foule d'hommes. Qui ont des problèmes de confiance en eux. Qui racontent, en gros, respecter la bite et... Dompter la chatte. Dompter la chatte. Littéralement. Voilà, je crois que c'est le programme globalement de tout son séminaire. Et on voit une bonne partie de son séminaire. Ouais. Et au bout d'un moment, on voit un journaliste arriver en plein milieu du séminaire et regarder la suite. C'est la seule femme au milieu de tous les hommes. Oui. On voit Jimmy Gator, donc le présentateur télé, qui va chez sa fille Claudia, qui est la droguée qu'on avait vue au tout début. Oui. Et qui lui dit, en gros, je suis en train de mourir, j'ai un cancer, j'ai 2 mois, il me reste que 2 mois à vivre. Et elle dit, j'en ai rien à foutre, dégage, je ne veux plus te voir. Elle crie. On voit Denis, donc l'ancien enfant prodige, ouais, qui s'est fait licencier de son travail parce qu'il a défoncé la voiture dans les magasins tout à l'heure. Et du coup, Denis dit « Non, vous pouvez pas me licencier, je dois avoir un appareil dentaire. Ouais. » Et il y a toute une discussion autour de cet appareil dentaire qui coûte à peu près 5 000 $, mais tout le monde lui dit « Mais t'as pas besoin d'appareil dentaire. » Le collègue derrière qui fait « Mais pourquoi t'en as pas ?» Et Denis, il pète un câble. Oui, sachant que Denis, il dit, mais en fait, vous êtes vachement servi de moi, de mon image, pour votre magasin. Donc, en gros, vous me devez de l'argent. Et son patron lui dit, mais on t'a déjà payé, en fait, arrête. Voilà. Après, on a un gamin qui accoste le policier. Oui. Dixon. Et qui lui dit, en gros, je sais qui a tué l'homme dans les placards du début. Et j'étais chante un rap pour te dire. Je vais te faire un rap, tu vas comprendre. Il chante les raps, les policiers et Jim, il comprend rien. Ah, il est choqué parce qu'il y a beaucoup de gros mots. De gros mots. C'est surtout ça, quoi. C'est vrai. Et il se casse. Et enfin, on trouve Stanley, donc les nouveaux enfants prodiges, qui est à la bibliothèque, entouré des livres et qui étudie plein de choses en même temps. Je dirais la météo, thème général. Ah, ouais, il y a un truc sur les francs-maçons, il y a des trucs sur la météo. Ouais, il y a plusieurs choses. Voilà, il s'entraîne pour son quiz aussi parce qu'il a... Oui. Parce qu'il a un grand savoir. Bam, fin de la première partie. Titre, faible averse, humidité à 95%, vent de sud-ouest, 20 km/h. Mmh, ouh, ça, bizarre. Ça s'améliore pas, ça. Il commence à pleuvoir des cordes. Ouais. Tous les personnages, tout se passe au même temps. Oui, donc, sur 24 heures en gros. Hein, oui, en tout. Entrecoupé de plein de choses, mais c'est un peu le milieu, donc là où tout commence à s'écracler un peu. Oui, où ils se croisent plus ou moins tous, où on relie les fils entre chacun. Voilà. Donc, en tout premier, on voit Jim, donc les policiers, qui se retrouvent en autre maison pour une plainte d'étapage, qui toque à la porte, et il y a Claudia. C'est la maison de Claudia. La Claudia, la fille droguée, on l'appelle comme ça, la pauvre. Oui, nous l'appellerons la junkie. La junkie, qui ouvre, qui est en train de se faire de la coke, et du coup, elle cache la coke partout, et ouvre aux policiers, et on se rend compte que les policiers tombent amoureux de le premier regard. Ils commencent à parler. Bon, ça, c'est un montage très serré avec les autres scènes entrecoupées, mais je vais à peu près dire tout ce qui se passe dans cette scène. Ouais. Ils se rencontrent, et ils parlent. Jim, il essaie de comprendre si elle a un coupant ou pas. Très discrétos. Et il essaie de la rassurer aussi. Hein, il a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas bien. Et du coup, il essaie de la rassurer. Et il essaie de pécho un rancard aussi. Et il essaie de pécho un rancard. Il se fait offrir un café. Il commence à parler. Et il parle plutôt pas mal. Oui. Bon, on s'arrête là. Après, on voit Phil, donc l'infirmier, qui commande des revues porno pour trouver les numéros de Frank Mackey. Et du beurre de cacahuète. C'est important. Et du beurre de cacahuète. C'est l'excuse pour commander du porno. Et appelle le numéro parce que Frank Mackey vend ses bouquins et ses... Il essaye de l'avoir parce qu'il a trouvé un autre Frank Mackey dans l'annuaire, mais c'était pas le bon. C'était pas les bons. Et du coup, il a plus que ça, quoi. Donc, il commence à parler au mec qui répond au téléphone en lui disant, tu vois, c'est hyper important, je dois t'expliquer, c'est les pères de Frank Mackey, elle est en train de mourir, blablabla. Et il essaie de remonter jusqu'à Mackey. Oui. Et il essaie de toutes ses forces de remonter jusqu'à lui en attendant pendant 2 heures et tout ça. Après, on voit... j'ai Gwenovière, la journaliste. On l'appelait Gwen, un peu vite. Donc, qui commence l'entretien avec Tom Cruise. Elle est là pour faire un entretien avec Mackey, donc Tom Cruise. Et il est à bloc. Il vient de faire la pause de sa conférence. Et il est à poil, il fait son malin et tout. Il commence un peu à la draguer. Elle le dragouille un peu au début et elle commence à lui poser des questions sur sa vie, ce qu'il est, sur sa relation avec sa mère. Lui dit non, mais ma mère, elle est très contente de ce que j'ai fait. Voilà, mon père, il est mort, malheureusement. Voilà. On voit Denis, donc l'ancien pharaon prodige qui est devenu adulte, qui veut son appareil dentaire, dans un bar où il voit avec des yeux pleins d'amour le barman, donc Brad, oui, qui est un mec méga costaud. Très costaud avec un bel appareil dentaire. Hyper jeune. Et là, tu comprends pourquoi il veut l'appareil dentaire. Il veut l'approcher, il veut dire hey, « t'as vu, moi aussi j'ai un appareil ». Voilà. Et par contre, il voit au même temps un vieux au bout du bar qui drague le même mec et qui le drague avec beaucoup de thunes. Hein. Ouais. En gros, il est un peu en train de l'acheter. Donc, Denis se rapproche de ce vieux et il essaie de lui parler de l'amour, qui lui, il était très amoureux, et qui lui sait qu'est-ce que c'est l'amour, et que c'est vu, il voit que le sexe, c'est tout, quoi. Oui, hein, c'est ce qu'il dit, il dit, moi, j'ai plein d'amour à donner. Voilà. Oh, que... c'est vrai. En même temps, l'émission de télé, elle se prépare, donc les présentateurs, le vieux présentateur, il appelle sa femme, Rose, en disant, bon, bah, il est un peu inquiet avant d'aller à la télé. Il boit de la tequila ou du whisky, je sais pas, il sait boire la gueule. Et Stanley, les gamins prodiges, arrivent au studio de télé. Tout le monde les traite un peu comme un enfant débile, quoi. Mm. Il dit, ah ouais, c'est bien, tu t'intéresses à ça. Ah ouais, trop mignon et tout. Et lui, il dit qu'il doit aller aux toilettes. Mais oui. Tout le monde dit, ah non, c'est pas les moments, c'est pas les moments, c'est pas les moments. Bon. L'émission commence. Oups. Ah, j'ai fait encore une bêtise. Linda entretient... non. Entre-temps, elle va à la pharmacie, elle récupère plein de médicaments pour la morphine liquide, du Prozac pour elle, plein de médicaments. Les pharmaciens, il est un peu suspect. C'est une énorme ordonnance. Du coup, il doit vérifier, il doit passer des coups de fil pour savoir si c'est vrai ou pas. Il lui donne les médicaments, elle pète un peu un câble en disant « Vous me jugez, vous n'avez pas honte, moi je suis là, vous savez rien de ma vie, vous osez dire ça, shame on you !» Et elle s'écasse. Et elle va chez les notaires de son mari, qui est moi, en disant « Je veux changer les testaments, il va me laisser beaucoup trop d'argent, moi je ne veux pas cet argent. Au début, c'est vrai, je ne l'aimais pas, j'ai couché avec lui juste pour son argent, je l'ai trompé de partout, j'ai couché avec tout le monde. Mais maintenant, je suis trop amoureuse d'elle, je ne veux pas son argent. Ouais. » Et les notaires, ils disent... c'est pas possible. C'est pas possible, calme-toi, au pire, tu refuses les testaments. C'est ça. Oui, mais il lui dit, si tu refuses le testament, du coup, ça veut dire que tout son héritage ira à son parent le plus proche, donc son fils, qu'elle, elle n'aime pas. Voilà. Entre-temps, Stanley... il gagne au début, il commence à gagner à l'émission. Les gamins prodiges, ils commencent à répondre à toutes les questions. Il gagne. En fait, c'est une équipe des gamins contre une équipe des adultes. Oui. Les gamins, ils gagnent. Et à un moment, ils répondent plus. Oui. Ils répondent plus à aucune question. Et les adultes, bam, ils commencent à remonter. Donc tout le monde lui dit pourquoi tu réponds plus. Et il pleure silencieusement dans son coin. Et le présentateur, il perd un peu la boussole. Oui. Et il tombe un peu dans les pommes. Il fait un malaise. Donc, transmission interrompue, émission interrompue. Tout le monde s'inquiète pour le présentateur. Une nana va voir les gamins en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va et tout ?» Et on découvre qu'il s'est pissé dessous. Oui. Pauvre gamin. Alors, parce que ça fait une heure qu'il demande d'aller aux toilettes et que tout le monde lui dit « Non, c'est pas le moment. » Entre-temps, la journaliste avec Tom Cruise, elle commence à lui dire « Ah, mais c'est bizarre que vous parlez de votre mère. On a découvert qu'en réalité, votre mère, elle s'appelle Lily Partridge, que votre père, c'est Earl Partridge, et qu'elle est morte en réalité. » Et que lui, il est vivant. Et qu'elle est morte, qu'il vous a abandonné quand vous étiez petit, et que vous vous êtes occupé de votre mère. Et voilà pourquoi vous dites... Pourquoi vous mentez, en fait? Qu'est-ce que vous cachez? Ah, c'est pas tant qu'est-ce que vous cachez, c'est pourquoi vous mentez, en fait. C'était plutôt ça, le truc, quand elle essaye de le cuisiner, quoi, mais d'essayer de savoir pourquoi il en est arrivé là, en fait, et pourquoi il ment. Et donc là, c'est les moments où Frank Tima, qui devrait répondre, et décide de jamais plus rien dire. Ouais. Il la regarde fixement. 10 minutes, en silence, en la regardant. Elle dit, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous avez à dire? Elle dit, ben... Je vous juge tranquillement. Tiens, dans ta face. Horrible. Denis, l'ancien enfant prodige au bar qui voulait son appareil dentaire, il déclare sa flamme à Brad, au barman, en disant « Je vous aime, je suis amoureux de vous, voilà, j'ai beaucoup d'amour à donner. » Et va vomir entre-temps aux toilettes. Oui, parce qu'il a bu. Il a bu. Jim, les policiers, ils partent de la maison de chez Claudia en ayant un rendez-vous. Donc ils décident un rendez-vous pour le soir même, machin. Ils partent, dans la rue et ils voient un gosse dans la rue. Ils voient les gosses qui a fait les raps dans la rue où une figure bizarre marchait dans la rue. Non, c'est il voit un mec en capuche qu'il avait déjà aperçu pas loin de la scène de crime plus tôt. Ah, waouh, j'avais pas réalisé jusqu'à là. Okay. Et il voit que ce mec-là, dès que la voiture de police s'approche, il se met à courir dans l'autre sens. Donc il se dit, tiens, un truc louche. Et il refait demi-tour. Il fait demi-tour, il le suit, il se fait tirer dessous et son pistolet, il tombe. Il appelle les secours pour dire, j'ai besoin d'un renfort. Et trouve plus son pistolet. Et son pistolet, il est récupéré, on sait, par les gamins du rap. Oui. Et il est désespéré parce qu'il trouve plus son pistolet. Que c'est, et que tout le monde va se foutre de sa gueule parce que ça se fait pas quand t'es flic de perdre ton flingue. Ton pistolet, quoi. Entre-temps, Stanley, donc les gamins prodiges, ils pètent un câble à la télé parce qu'ils devraient s'élever en gros pour faire le dernier match entre adultes et enfants. Donc lui, c'est l'enfant le plus intelligent de son groupe, donc il devrait s'élever. Il ne veut pas s'élever parce qu'il s'est pissé dessous. Et il fait une accusation à tout le monde en disant « Oui, nous, on a des enfants prodiges, vous nous prenez comme des bêtes de foire, vous vous prenez pour qui ?» Il pète un câble. Donc il y a beaucoup de gens qui voient ces trucs-là à la télé, notamment Claudia. Ouais. Et sachant que du coup, il réagit comme ça aussi parce que bon, un peu plus tôt, on a vu son père qui le suit tout le temps, qui lui met une énorme pression et qui l'écoute pas en fait. Il y a aucun adulte qui l'écoute et tout le monde lui met la pression. Il y a cette espèce de... parce qu'il y a un rapport avec son père quand même assez malsain. Son père, il est hyper. Il est hyper méchant, il est limite violent en fait avec lui. Et il se fait de la thune sur son dos. Quoi. Donc, et oui. Ce qui était le problème de l'autre enfant prodige. Et oui, Denis, à un moment, il le dit. On apprend qu'il a perdu tout l'argent qu'il avait gagné quand il était enfant prodige parce que ses parents l'ont détourné de lui. Quoi, il lui a volé son argent et en plus, il s'est fait frapper par la foudre. Donc il a perdu une partie de ses... Il est moins intelligent qu'avant. Il est stupide, il n'arrête pas de dire « j'étais intelligent, maintenant je suis stupide ». Oui. Pauvre. Oui, il est en dépression, de toute façon, ce monsieur. Entre-temps, Linda, avec tous les médicaments, elle est rentrée à la maison, elle essaie de se suicider dans les garages avec la voiture, avec les gaz de voiture. Ouais. Et elle arrête et elle rentre à la maison, elle donne les médicaments à Phil, donc elle lui donne la morphine liquide. En gros, une fois que Earl aura la morphine liquide, aura pris la... Il va mourir pas longtemps après. Ouais, voilà. C'est un peu un adieu. Et Claudia a regardé l'émission de son père, donc, et elle pleure. Tout le monde... Et c'est là qu'on se rend compte que l'émission, elle est produite par Earl Partridge, je crois. Oui, c'est ça. Il y a un bandeau qui apparaît avec écrit Earl Partridge Production. Donc ça refait un lien avec... Donc, Earl Partridge, c'est le mec mourant dans son lit qui cherche son fils. Bon, son fils, c'est Tom Cruise. Restez avec nous, on est presque fini. Tout le monde commence à chanter une chanson hyper triste dans des scènes complètement différentes, mais c'est la même chanson que tout le monde chante. Fin de la deuxième partie. Troisième partie, titre « Pluie éparse, temps frais jusqu'au matin ». Un truc comme ça. Donc, ça se calme, la météo s'éclaire. Voilà. Et tout le monde essaie de trouver des solutions, c'est le troisième acte, quoi. Ouais, c'est... voilà, troisième acte. Alors, l'ex-enfant prodige frappé par la foudre, il décide qu'il veut son appareil dentaire. Donc, il va essayer de voler au magasin où il a son été ancien patron, licencié. Donc, il a encore les clés, il rentre avec les clés, il pique tout l'argent. En sortant, il casse la clé dans la serrure, mais il ne se rend pas compte. Il répare, il dit « Non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est n'importe quoi. » Il revient en arrière, il ne peut plus ouvrir parce que la clé s'est cassée et commence à grimper les longs de... D'un poteau électrique. Voilà, d'un poteau électrique. Entre-temps, Phil, l'infirmier, il a réussi à remonter jusqu'à l'assistante de Tom Cruise, donc Mackie. Et Mackie, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a envie de faire, s'il a envie de voir son père ou pas. Il se présente à la maison de son père. Donc Phil ouvre à Mackie, qui ne veut pas voir son père tout de suite et qui l'attend en silence dans un coin. Et qui lui dit « Bouge les chiens de là, sinon je leur fous des coups de latte. » Je vais les tuer. Les gamins qui a fait du rap, qui a pris les pistolets, ils trouvent Linda dans sa voiture évanouie. Oui. Il essaie de la réveiller, la voiture ouverte, il rentre, il lui vole de l'argent. Mais il appelle les secours pour la sauver. Bon, sympa. Sympa. On voit les rendez-vous enfin entre Claudia et les policiers Jim. Super beau rendez-vous. En gros, Claudia lui dit, j'ai besoin qu'on se dise toute la vérité parce que je n'ai pas plus de mensonges d'être et tout ça. D'être entouré de mensonges, ouais. Et donc, lui, il dit, j'ai perdu mon pistolet aujourd'hui, je suis un policier de merde. Et il s'élève, il s'embrasse et Claudia dit, je veux plus te revoir. Adieu. C'est un peu sec, c'est un peu mais chaud. Oui. Entre-temps, on voit Jimmy, donc le présentateur télé, qui est revenu à la maison et qui parle avec sa femme, qui est très amoureuse de lui, et Rose, et lui dit « Je vais mourir dans 2 mois, comment on va faire ? Je dois te dire un truc, je t'ai trompée plusieurs fois. » Elle dit « Ah bon ?» Et je voulais savoir un autre truc, pourquoi notre fille ne te parle plus ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit « Je crois qu'elle croit que je lui ai fait des attouchements. » Et elle lui demande, tu les as fait ? Il répond, je ne sais pas. Voilà. Et là, elle pète un câble. La femme, elle pète un câble, elle dit, tu devrais savoir mieux. Et elle s'est cassée et elle dit, tu mériteras de mourir tout seul. Ouais. Je ne veux plus te voir. Elle s'est cassée, elle prend la voiture. On voit la scène, enfin, Maki, il peut parler avec son père. Donc, son père, il a pris la morphine liquide, donc il est capoute, quoi. Et il y a une super belle scène où en gros il lui dit tu es un connard, je t'ai toujours détesté, et il commence à pleurer et il dit, en même temps. Je pleurerai pas pour toi, et il s'effondre. Et il s'effondre, il commence à pleurer. En gros, il dit ne pars pas, ne m'abandonne pas. Ouais. Et il arrête pas de dire pourquoi tu l'as pas aidé Lily, pourquoi t'as pas aidé ma mère, quoi. Ouais. Pourquoi tu l'as jamais appelé, pourquoi tu l'as abandonné. Pourquoi. Ouais. Les policiers, il est en train de rentrer du rendez-vous avec Claudia. Donc, oui. Claudia lui dit, on se voit jamais plus. Donc, il rentre à la maison. Il voit Denis qui est en train de grimper le long du poteau électrique pour rentrer dans les magasins pour remettre l'argent. Il fait demi-tour, il va le chercher. Bam! Et là, gros coup! Et là, c'est le gros spoil. Enfin, le gros spoil, non? Ouais, là, c'est le gros spoil. C'est la grosse scène qui est quand même un peu connue maintenant. Mais... Bon. Je voulais la dire, bam, ouais. Une grenouille tombe sur les parabrises de la voiture de Jim. Et là, il commence à pleuvoir des cordes, mais c'est grenouilles. Des grenouilles. Il pleut des grenouilles. De partout. Donc tout le monde... Des bonnes grenouilles, hein. C'est des grosses grenouilles qui s'éclatent avec du sang. Donc Jim, il sort de la voiture et il récupère Denis qui, entre-temps, il s'est fait taper par une grenouille sur la gueule. Du coup, il tombe au sol et s'est cassé les dents. C'est ironique. Il le récupère, il le sauve. Linda est dans l'ambulance, appelée par les gamins. Et l'ambulance, elle s'est fait renverser, blap, et elle glisse, renversée jusqu'à devant l'hôpital, quand oui. même. Pas des bols. Cause des grenouilles, hein, du coup. À cause des grenouilles, ouais, parce qu'il y a des grenouilles partout. Claudia, elle commence à voir des grenouilles de partout. Elle vient de prendre des drogues. Elle hallucine un peu. Elle est super effrayée. Sa mère arrive en même temps et elle enlace. Stanley, les gamins prodiges, il est dans sa bibliothèque parce qu'il a couru de l'émission télé jusqu'à la bibliothèque. Il s'est enfermé dans la bibliothèque. Et il voit les grenouilles et il sourit oui. en disant « Ah, ces choses-là, elles arrivent vraiment. Mm. » Il est content. Et Earl, donc, avec la morphine liquide, il essaie de parler à Maki, à Frank Maki, mais on n'entend pas parce que les grenouilles font trop du bruit. Oui. Fin. Pas de tout complément. Et après, titre. Et maintenant. Oui. Donc, on voit que Earl, il est mort. Phil et... Il y a Jim aussi qu'on a oublié. Jim, il est chez lui et il tente de se suicider. Il prend un flingue oui, et tente de se suicider. Pas Jimmy, présentateur télé. Oui, Jimmy Gator. Et du coup, il tente de se suicider avec son flingue. Et en fait, il y a une grenouille qui tombe à travers le plafond et qui tombe sur le pistolet. Et on sait pas. Et il tombe au sol et on sait pas si ça a déclenché la gâchette quand il l'avait sur la tempe ou ailleurs. On sait pas trop. Oui, c'est vrai. Et maintenant, Earl, il est mort. On voit l'infirmier Phil qui pleure, qui est très triste parce qu'il était très lié avec cet homme. Oui. On voit Maki qui pleure aussi. Et oui. Phil, donc l'infirmier, donne les téléphones à Maki en disant « Il y a des nouvelles de Linda, je pense que vous devrez aller la voir à l'hôpital. » Donc, Tom Cruise va voir la femme de Earl à l'hôpital. À l'hôpital. Ouais. Stanley, les gamins prodiges, il va voir son père pendant qu'il dort et il lui dit, enfin, tu dois être plus gentil avec moi. Le père dit, va te coucher. Non, tu dois être plus gentil avec moi. Donc, peut-être et lui répond, va te coucher. Mais un peu plus gentiment. Oui, c'est ça. Denis et Jim, donc l'ancien enfant prodige avec les policiers, ils discutent. Denis raconte qu'il avait plein d'amour, qu'il a plein d'amour, mais c'est pas qui le donnait. Il pleure. Jim l'écoute et essaie de l'aider. Et bam, les pistolets tombent du ciel. Son pistolet tombe du ciel. Donc il récupère son pistolet. Ils remettent l'argent dans le magasin. Ils se disent au revoir. Et Jim revient chez Claudia en lui disant, en lui faisant une super belle déclaration d'amour, en lui disant, je veux qu'on continue ensemble, je veux rester avec toi, je vais pas t'abandonner. Et elle pleure. Fin du film. Ah, bravo. Super beau. Ouh, c'était long. Ah, c'était long, mais bon, t'as quand même tout fait. Après, tu l'as pas fait dans l'ordre parce que ça croise hein, tout ah le non, temps. Ah non, c'est très compliqué. Ouais, c'est plein de petites coupes de tout en même temps. En fait, t'as vraiment des scènes de quelques secondes. Ouais. Voir des scènes en parallèle aussi. Oui. Okay. Ah ben, sont tout en parallèle. Quasiment. Ouais. Et là, du coup, avant de donner notre avis et parler du film un petit peu, on va se regarder un extrait. Oui. C'est un extrait, donc c'est le début de l'interview de Tom Cruise, donc Frank T.J. Mackey, avec la journaliste. Ouais. C'est la pause déjeuner. Voilà. Il sort de la salle de conférence. Ouais. Il se parle un peu proche, quoi. Et il lui dit qu'elle n'est pas en sécurité dans une salle comme ça. Ouais. Donc ils vont dans un espace plus tranquille. Il est presque à poil. Il est en slip. Avec les pantalons aux genoux. Sachant qu'ils ont rajouté un truc dans son slip parce que c'est vraiment proéminent. Donc il s'approche quand même beaucoup, il est plein de transpi, il lui parle qu'il va baiser quelqu'un. Il est encore dans son rôle de gros mascu, un gourou. Ouais. Et il essaie un peu de lui faire son show. Il l'a madoué quoi. Et pour lui, elle est venue pour ça quoi, pour le show Frank Mackey quoi. Hop là, roulade arrière, relevé sur les pieds. Waouh, il récupère une serviette volante, il s'essuie. Les aisselles. Petite passe dans le dos. Il rigole, il remet son pantalon. Et si je suis excité à mort. Parce que je suis ce à quoi je crois. Il dit un peu n'importe quoi, il remet une chemise bizarre. Qualifié de moche. Moche. Un peu marronasse. Il a un peu les cheveux longs, détachés, un peu en mode. Ouais. Non, mais, et là, il raconte tout son truc vide de sens. Donc elle dit on peut commencer à registrer. Elle dit quoi? Vous commencez que maintenant? Attends, j'ai fait tous les shows à poil et tout, mais j'étais trop bien. Il est trop deg. Donc il raconte en gros qu'il collectionne des touffes. Tout à fait. Très belle collection. J'ai lu en même temps. Donc et il dit qu'il y a des femmes qui lui veulent du mal, quoi, qui veulent le détruire pour ce qu'il représente. Donc Guinevere. Et elle a continué de jouer le charme un peu, genre tout va bien avec moi. En gros, t'es en sécurité avec moi. Ouais. Mais en même temps, moi je pense, tu vois, on voit qu'elle, Mackey continue de parler, il dit voilà, les femmes elles veulent me détruire et tout, et elle, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle va faire ou est-ce qu'elle pense comment le faire? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Elle se dit, bon, le mec, il est complètement fou, va falloir que je sois maligne. Ouais. Et là, il fait le chien, enfin, il est complètement fou. Elle arrête pas de lui dire, calmez-vous, Franck. Il lèche dans l'air. Il est trop flippant. Et l'idée, il parle comme un chien, ça pille au coup de poing. Asseyez-vous bien au fond de votre truc. Il va mettre le microphone. Donc il se met sa chemise, mais il est trop là, il est trop confiant, il rigole, il a son truc un peu arrogant là, genre j'ai réussi mon coup quoi, j'ai l'air amadoué, maintenant je vais être trop brillant, tout le monde va aimer. Oui, il est vraiment en confiance. Et lui fait remarquer qu'il a oublié un bouton à sa chemise. Donc, ouais, c'est fou. A priori, elle essaye vraiment de le recadrer quoi, et lui, parce qu'il est en roue libre. Un sauvage. Que voulez-vous savoir? Et voilà. Et voilà. Bon alors, Serena, du coup, ce film, qu'est-ce que tu en as-tu pensé ? Ouh là là ! Bah, peut-être, vas-y, toi, non ? Parce que ouais, j'en ai déjà beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé, c'est vrai. Moi, j'étais... du coup, je ne l'avais pas vu en entier. J'en avais entendu parler beaucoup. Et j'étais forcément assez, assez impatient. Et c'est brillant, en fait. C'est vraiment brillant comme film. Ouais. Parce que... Donc on l'a dit, hein, il dure 3 heures et c'est hyper, tout est super maîtrisé quoi. C'est très bien écrit, tu vois, il y a vraiment tout le démarrage en fait, en gros en un quart d'heure, 20 minutes on va dire max, tous les personnages sont posés, sans en faire des caisses, sans surexpliquer, tu vois. Ouais. Et même en entremêlant les présentations des personnages, et après c'est hyper fluide du coup. Et c'est assez brillant. T'as un gros ouais. gros rythme au tout début qui fait que derrière, même si t'as pas toutes les informations sur tous les personnages, même t'as beaucoup de zones d'ombre en fait sur chacun. Oui. Tu sais que tu vas les découvrir après. C'est hyper logique, hyper fluide. Les liens entre chacun vont se tisser. Ça va se croiser. Ils ont tous des liens plus ou moins proches. Après, il y a la thématique globale, on va dire, qui les rapproche hein, sur comment tu vis comment tu vis avec ton passé. Il y a ce truc-là, vachement, les regrets, et il y a vraiment ce truc-là, et puis les relations parents-enfants aussi, beaucoup. Ouais, c'est quand même un peu... c'est ces deux trucs-là. Bah, après, c'est un peu lié, quoi, finalement. C'est oui. quand t'es un enfant, comment tu grandis avec ce que tes parents t'ont laissé, etc. Et l'autorité des parents sur les enfants. On a, le truc le plus évident, c'est les deux enfants stars. Enfin, l'ancien enfant ah oui. star et l'actuel, qui sont manipulés par leurs parents, et qui vont s'opposer à ça, qui vont le dire. Ouais. Après, il y a Franck Mackie et son père qui l'a abandonné. Enfin, c'est assez. Et Claudia avec son père qui a abusé d'elle. Horrible. Quoi. Donc, c'est assez impressionnant comment effectivement tout se constitue petit à petit. Ouais. C'est un énorme tableau. En fait, c'est assez impressionnant. C'est d'une justesse. C'est assez fou. Ouais. Tout le monde joue. T'as pas un premier rôle et plein d'autres petits rôles, on va dire. Là, c'est vraiment que des gros rôles chacun. Ouais. Hyper juste. Et tout le monde joue super bien, quoi. Ouais. Et c'est vachement. Et ça s'explique aussi vachement par comment il a écrit le film. Paul Thomas Anderson. Il l'a vraiment écrit chaque personnage avec l'acteur en tête. Au tout début, il avait une idée. Un peu réduite, il voulait faire un petit film intimiste, on va dire. Okay. Avec son premier personnage qu'il a écrit, c'est celui de Claudia, qui est assez centrale dans le film, et qui surtout, ça finit sur elle ouais. qui regarde la caméra. Ouais. Et du coup, il avait d'abord écrit Claudia, et puis il a toujours eu plein d'acteurs autour de lui sur ses films précédents, à qui il montrait le scénario, à qui il parlait, et puis chacun voulait un rôle dedans, ou lui pensait à quelqu'un, et à chaque fois, il a écrit en fonction de chaque personnage. Ah, trop bien. Enfin, de chaque acteur. Il y a notamment un des trucs, c'est John C. Reilly qui fait le flic, le policier, qui fait Jim. Hein. Ils se connaissent depuis longtemps, il a déjà tourné ensemble, et il lui avait dit, mais moi j'aimerais bien un jour qu'on me donne autre chose comme rôle que celui de l'enfant adulte, de l'adulte-enfant, pardon, du mec un peu bête, quoi. Ouais. Il dit, j'aimerais bien pouvoir jouer un jour une histoire d'amour, en fait. Et donc, Paul Thomas Anderson, il entend ça, il se dit « Ah, mais c'est intéressant, du coup, il écrit ce personnage avec ça en tête. » Ah, trop bien. Il y a ce truc-là. Et, pareil, Tom Cruise, au final, Tom Cruise avait adoré Boogie Night, son film précédent. Il l'a invité à Londres sur le tournage de Eyes Wide Shut pour qu'en plus, Paul Thomas Anderson puisse rencontrer Kubrick, qui est une de ses idoles. Ils discutent, et puis il lui dit « Moi, le prochain film que tu fais, pense à moi. Si à un moment, tu as un rôle qui te parle, tu penses à moi. » Et du coup, ça lui a fait barjoter, et il a écrit ce rôle-là pour Tom Cruise. Ouais, tous les rôles sont écrits comme ça, quoi. Philippe Seymour Hoffman, c'est pareil, il dit qu'il a écrit ça parce que il a dit ce personnage-là, c'est ce qu'est Philippe Seymour Hoffman, donc l'infirmier. Oui. Il dit il est comme ça, il est comme ça, et j'avais envie de l'écrire comme ça aussi. Donc c'est hyper intéressant. C'est un beau cadre, quand même. Ouais, il y a ça, et il a aussi vachement la musique qui est tout le long. Il y a un travail sur la musique qui est assez impressionnant, où ça s'entremêle. Ouais. Les transitions entre les musiques, entre la musique qui est intradiégétique, qui est vraiment dans la scène, et ensuite qui en ressort, tout est hyper fluide, ça aide vachement à la compréhension de la chose, parce qu'il y en a quasiment tout le temps en plus de la musique. Hein. Presque sur toutes les scènes, c'est vrai, quasiment j'ai tout, pensé ouais, aussi. À part sur la fin où commence à y avoir des scènes sans musique, et il y a beaucoup de musiques qui sont... de toute façon, toute la bande-son a été écrite, c'est des morceaux de Amy Mann, qui est une chanteuse américaine. Ouais. Et il adore ce café, il avait déjà bossé avec elle sur des clips, et c'est en écoutant ses albums et ses chansons qu'elle s'est dit, mais il a écrit en même temps, quoi, en fait. Donc il s'est dit, mais c'est ce morceau-là, il correspond vachement à ma scène, donc je vais réécrire ma scène pour que le morceau colle avec. Il rentre. Que quand Claudia est chez elle et qu'elle écoute un morceau dans sa chaîne, elle dit, il faut que ça raconte aussi. Enfin, qu'est-ce qui se passe, ce truc-là. Et il y a du coup la fameuse scène où chaque personnage dans son coin va chanter la même chanson. Mmh. Ce qui pourrait, en fait, quand tu... Ouais, moi, j'étais assez impressionné parce que tu te dis, ça pourrait être, dans un film comme ça, un peu réaliste, ça pourrait devenir complètement nul. Enfin, ça pourrait être vraiment complètement raté. Ouais. Sauf que ouais, t'as eu tout doux avant où tu comprends l'état dans lequel ils sont. Cette chanson-là, t'as le bon rythme, t'as tout ce qu'il faut, la mise en scène, le montage fait que tout coule. Et un truc, une idée de base qui pourrait être complètement ridicule et complètement ratée, en fait, c'est, ça roule tout seul, c'est brillant et ça conclut, du coup, le deuxième acte hyper bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est trop bien. Ouais. Mais c'est assez impressionnant, ouais, vraiment stylé. Et du coup, la prod a grossi aussi, parce qu'à la base, c'était un petit projet intimiste. Et ensuite, bah, il est parti sur un truc beaucoup plus gros, parce qu'il a fait venir beaucoup plus de monde. Et la production a, dès le début, a dit, suite à Boogie Nights qui avait super bien marché, a dit, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Wow. T'as le final cut et t'as tout ça, quoi. Ah ouais. Donc, c'est cool. C'est et lui, cool. Il était super content. Et avant de démarrer, il dit, je pense que ce sera mon plus gros film. Enfin, en tout cas, celui qui me correspond le plus. Parce qu'il il se sentait vraiment très libéré de ça. C'est assez, assez chouette, quoi. Ouais. C'est trop bien. Et moi, j'aimais bien aussi le fait que les personnages, ils sont jamais dans des explications. Tu vois, parce qu'il y a ce truc un peu dans les films, des fois, t'as le pamphlet un peu explicatif pour le spectateur. Ouais. En fait, il a écrit tellement bien que t'as pas besoin de ça. T'es déjà au plein milieu de l'action, ouais. et d'un truc aussi bête qu'une petite scène et t'as déjà tout compris. Ouais. C'est trop bien. Mais et les seules explications qu'il y a, elles sont assez malins, tu vois. Oui. Oui, il explique pas grand-chose. Il laisse suffisamment de place pour qu'on comprenne juste avec les sentiments, quoi. Mais il le disait qu'il avait enlevé, au début dans l'écriture, il avait pas plus de scènes explicatives. Mm. Notamment, il avait tout un truc pour expliquer que c'était au même endroit, que ça se passait en même temps, que c'était pendant 24 heures. Et il s'est dit, mais c'est trop long à faire et ça casse la fluidité de la chose, donc il l'a enlevé. Ouais, d'accord. Mais c'est trop bien, c'est trop balèze. Non mais c'est vrai, en plus vraiment ne vous faites pas effrayer par les 3 heures au passé qu'on a raconté, parce que franchement ça, c'est impressionnant quand même, c'est trop bien, quoi, ça passe hyper vite. Et t'as un truc où tu te dis, t'arrives à la fin de la 3e heure, tu te dis mais t'en mets une de plus en fait, ça pourrait... on y est, quoi, en fait. Parce que tout est pas forcément résolu, c'est pas grave, ouais, en fait, mais t'es dans un état où t'adores découvrir les personnages au fur et à mesure, découvrir comment il y a des interactions entre eux, voir par quelles émotions ils passent. Mm. On en fait, quand t'es dans le film, t'attends pas une résolution, tu t'en fous un peu en fait de ce qui va arriver au final. Tu veux pas une fin classique, c'est comme ça. Mais tu veux continuer de les apercevoir parce qu'ils sont hyper bien écrits, hyper bien interprétés. Mm. Et c'est quand même assez brillant, quoi. Ouais, c'est trop brillant. C'est bon. Balèze. Donc on peut dire que t'as ah, j'adore. Tu m'as demandé, mais ouais, non, tu l'avais mais vu en plus plein de fois. Oui, je l'avais vu, et en plus voilà, c'est les trucs qui tu dis, ah ouais, encore, je vais le revoir. Bah ouais, en fait, il y a tellement de choses, tellement de personnages, tellement de trucs qui se passent, t'as trop envie de tout voir mille fois, en fait, ça passe bien, quoi. Ouais, non, et en plus, tu vis un peu les douleurs et les humiliations, mais ce n'est pas... C'est pas pathos non plus, je sais pas. Les personnages, presque tous les personnages, ils pleurent pendant le film. Il y a un moment ou un autre où ils pleurent et c'est toujours juste. Oui. Alors que ça pourrait être trop, quoi. Tu dis, mais là, encore lui, il va encore pleurer, quoi. Ouais, puis oui, puis c'est justifié. Enfin, c'est complètement juste et justifié. Ouais, c'est beau. Toutes les évolutions sont très logiques. En fait, il prend vraiment, c'est pour ça aussi que ça dure 3 heures, il prend le temps d'amener. Ouais, les choses. En fait, c'est pas tout d'un coup, il te faut une scène tragique, donc il va faire une scène tragique, non. C'est, ouais. C'est ce personnage de Claudia, quand même, qui navigue tout le film avec. Bah, elle est droguée, mais qui navigue tout le film avec cette espèce de. T'as l'impression qu'elle a les pattes engluées au sol et qu'elle veut tout le temps sortir, mais qu'elle arrive jamais. Et qu'elle rencontre Jim, elle se dit, ah, c'est là que je sens, mais elle y arrive pas. Et qu'à la fin seulement, où elle sourit enfin, comme si ça y est, il y avait un truc qui se libérait, quoi. Parce que sa mère, elle est venue là. Ça m'est revenu. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais t'as ce truc vraiment de ce personnage qui n'arrive jamais à s'extraire. C'est impressionnant et c'est quand même super dur sur tout le film d'arriver à garder l'attention et de bien marcher. C'est balèze. Et aussi l'effet de l'attouchement, j'ai trouvé ça hyper juste que les personnages, déjà, il est très sympathique. Oui. Tu vois, ça arrive tard, tu t'attends pas du tout et t'es là un peu en mode cet homme, il est très sympa, il aime sa femme, il est très respecté. Et en fait, il dit pas oui, je l'ai fait, il dit je sais pas. Ouais. Et je trouve parfait, quoi. Ouais. Je trouve vraiment juste comme André était là. Non, sérieux, t'es trop mal. C'est... Mais c'est pas les trucs. Ah ouais, tu. Il n'y a pas de trop, quoi. Ouais. C'est hyper juste à ça. Très rapidement, tu sais qu'il a un cancer, donc t'as de l'empathie. Tu le vois avec tout le monde, avec les enfants. Tu vois, il est. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, etc. Tu vois sa femme qui le soutient. Tu sais qu'il y a un truc avec sa fille, mais tu vois qu'il est emmerdé. En plus, il va lui dire qu'il va mourir, donc tu dis bon, on va quand même. Ouais. C'est quelque chose de dur, quoi. T'as tendance à dire la fille est complètement hystérique. Et en fait. C'est ouf, c'est vraiment comment ça change. Le moment vraiment où il dit je sais pas, et là tu dis tu pètes un câble, c'est comme la mère quoi. Tu dis mais non, mais tu peux pas dire ça en fait, tu peux pas dire je sais pas. Ouais, c'est horrible, tu vas mourir en plus quoi. Donc qu'est-ce que tu t'emmerdes à continuer de faire ça quoi. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Et après, ceci dit, après on le voit que sa tentative de suicide, on le revoit plus. Mais c'est vrai que ça, ce personnage-là, ce changement sur une scène, en deux phrases. Deux phrases. C'est impressionnant dans l'écriture, c'est impressionnant. Ouais. Et même dans le jeu, enfin dans tout. Bah, il est trop fort aussi, le comédien. Ouais. Bref. Ils sont tous très très forts. Hein. Ouais. Ça, c'est balèze. C'est assez impressionnant. Quel grand film. Ouais, moi je suis vraiment. Tu vois, t'as toujours cette appréhension quand on te dit, ouais, c'est un très grand film, tu vois, c'est une dinguerie. Mmh. Tu te dis, bon, forcément, tu vas pas le prendre pareil. Et puis là, en fait, je pense. Mais vraiment, je maintiens que ce début fait que t'oublies tout le reste, en fait. Tu plonges dedans, et en un quart d'heure, tu peux plus en sortir jusqu'au bout, quoi. Et même ça, tout début, même les trois anecdotes du début, qui finalement, on sait pas trop pourquoi. On le sait plus ou moins, mais. C'est pas très clair, mais en fait, elles sont tellement intéressantes que tu t'es accroché, quoi. Dès la première image, t'es trop accroché, t'es là, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, non, ces premières scènes, elles sont assez rigolotes parce que c'est un peu, en gros, les coïncidences ou pas. Est-ce que tout est une coïncidence ou pas? Et il va jamais te donner une réponse. Tu s'en fous, c'est pas ça le but. C'est juste que, tu le vis ces moments-là, ces trucs un peu, c'est une coïncidence ou, enfin, c'est assez rigolo, quoi, qui te garde ça en tête, en fait. Il te prépare, mine de rien, ça te prépare un peu à faussement te tordre le cerveau, à te dire, peut-être que tu vas te poser des questions alors qu'en fait, tu s'en fous, quoi. Bah, et c'est qu'il est narrateur qui parle au début. Oui. Tu vois, c'est trop bizarre, quoi. Même, j'ai cherché un moment dans les titres de fin, s'il notait les narrateurs. Et je pense qu'il ne s'est même pas noté. Je sais plus s'il est noté, le narrateur. Et en fait, finalement, j'ai regardé. Et c'est le mec, c'est le même... c'est dans l'émission de télé, il y a un gars qui travaille, qui regarde. Et ben c'est lui qui est le narrateur du début. Ah, le producteur. Oui, l'espèce de producteur qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec les gamins ?» Ouais, c'est lui. D'accord. Ah, c'est lui. Je crois que c'est lui, finalement. Mais j'ai regardé en cherchant c'est qui le narrateur dans les films, tu vois. Mais lui, il le donne pas, en fait. Et peut-être on s'en fout. Bah oui. C'est marrant. Ah non, ce narrateur, c'est vrai qu'il est pas beaucoup. Et mais le narrateur, il est un peu comme les panneaux avec la météo au milieu. Oui. C'est cette espèce de truc, c'est les fausses pistes un peu, enfin le machin qui va te maintenir dans une fiction, enfin dans un truc où tu vas te questionner, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, les grenouilles, tout ça, c'est pareil, le truc des grenouilles, c'est complètement absurde. Tu te dis, mais ça. Ouais. Et en fait, tu y crois, et il n'y a pas de souci, quoi. Après, c'est vachement amené aussi parce qu'il a découvert. Il avait écrit la scène des grenouilles avant qu'on lui explique que c'était dans la Bible, en fait. C'est vrai. C'est un des versets, donc le verset 8 du livre. Non, le livre 8 et le verset 2 ou un truc comme ça. De l'Exode. Je sais pas si c'est livre ou chapitre. Enfin, t'as compris quoi. 8-2. C'est dans Exode 8-2. Et c'est ça, c'est l'histoire. C'est une des plaies d'Égypte avec la pluie de grenouilles. C'est Dieu qui envoie les grenouilles. Voilà. Et du coup, voilà, c'est pas ça qui l'inspirait, c'est d'abord. Et il y a une anecdote assez rigolote, c'était que, comment il s'appelle déjà? Jason Robards, donc celui qui fait Earl Partridge, l'homme qui est en train de mourir. Il a vécu cette histoire-là. En fait, et ça lui arrivait, il était dans un chalet en montagne et il y a une pluie. Alors, c'était pas des grenouilles, c'était des tétards. Et apparemment, scientifiquement, qui peut arriver. C'est localisé. Trop bizarre. Des tétards qui tombent du ciel. Ouais. Alors, je sais pas comment, j'ai pas été fouillé plus que ça, mais en tout cas, ça, c'est un truc qui ouais, c'est vrai que j'avais entendu ça aussi. Autant après, l'histoire du Canadair, tout ça, machin, il y a des légendes urbaines, mais ça, ça peut arriver déjà. C'est marrant. C'est marrant. Bon, Tu veux d'autres petites anecdotes ou tu veux qu'on passe à la suite? Oui, vas-y. Petites anecdotes. Le personnage, il y a un acteur qui joue deux rôles de pharmacien. Le pharmacien du tout début. Ouais. et le pharmacien dans le film, enfin le pharmacien dans la dans le court métrage sur celui qui se fait assassiner par les trois bandits, Greenberry. Ah, c'est lui, c'est le même. C'est le même pharmacien que dans le reste du film. Et le vieux du film ou les jeunes. Le jeune. Les jeunes. C'est rigolo. Petite anecdote. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est un pharmacien, le mec qui s'est fait tuer au début. Ouais, c'est j'ai ça. Pas dit. Il y a après, il y a des. Après, bon, si tu veux t'amuser, il y a plein de gens qui se sont amusés à chercher les références à l'Exode 8-2 pendant tout le truc. Ouais, parce qu'il y a écrit partout. C'est écrit un petit peu partout, dans les numéros de téléphone, enfin plein de trucs comme ça. Dans les panneaux. Et il y a notamment, quand il y a un truc qui était marrant, enfin j'en ai noté qu'un qui m'a fait rire, c'était quand il y a Denis qui est au bar. Il s'assoit à une table et derrière lui, il y a un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est Frogger. Ah, trop bien! ça c'est plus rire. Enfin, moi, ça m'a fait rire. Tu vois. Mais c'est vrai que je me suis dit, pourquoi cette scène avec cet écran, tu vois? Ouais. Et j'ai voulu voir s'il y avait écrit 8-2. J'ai dit, bon, non, c'est pas ça. Ah, génial. Ouais, parce que c'est ça. Après, tu te rends compte qu'il y en a, il y a des détails partout qui sont, que t'es pas obligé de voir. C'est pas très grave, mais c'est assez marrant quand t'as envie de les piocher, quoi. Ouais, c'est marrant. D'ailleurs, petit quiz. Combien de grenouilles en plastique ils ont dû construire? C'est des milliers, non? Ouais, 7000, plus de 7000 grenouilles en plastique. Waouh! Bon, donc, c'est que des grenouilles en plastique? Non, pas que. Ah, mais ouais, ils en ont une base de 7000 pour le plateau et puis après, ils ont fait un peu d'incrustation quand même. D'accord, ok. Autre petite anecdote sur Paul Thomas Anderson, il était assistant prod sur une émission télé avec des enfants et des quiz. Ah. Donc comme quoi c'est pareil, ça lui vient de là, ce truc là ça l'a toujours un peu fait barjoter, de ce rapport aux enfants. Ouais, ouais. Enfin, après lui aussi je pense qu'il a un rapport au père qui doit pas être super évident. Là ça, les pères ils font pas. Et c'est assez rigolo aussi parce que tu vois quand il y a deux personnages qui ont le cancer, donc Jimmy Gator et Earl Partridge, et donc Earl Partridge l'acteur Jason Robards, il avait un cancer aussi pour de vrai. Ouais. Et il est mort pas très longtemps après d'un cancer. Oh là là. Donc il y a des trucs comme ça, c'est assez c'est troublant, tu vois, de te dire comment tu pioches et ce que ça raconte sur pourquoi tu écris un film et comment tu l'écris, les répercussions que ça, c'est assez rigolo. Et après alors le titre quand même, Magnolia. Et ouais, c'est ce qu'on s'est demandé. Moi voilà. Je me demande qu'est-ce que c'est au début. Tu vois pas trop d'un. Apparemment, ça lui est arrivé assez vite. Le truc le plus évident, c'est Magnolia Boulevard, donc le boulevard a priori qui traverse dans le film, qui existe, qui s'appelle. Et on voit dans les films, tu veux dire? Oui, c'est là où t'as toutes les vers la fin, il y a toutes les voitures qui se croisent, on les voit un par un. Ouais, ouais, ouais. Et bah, a priori, je crois que c'est ça, c'est Magnolia. D'accord. Boulevard. Il y a après l'image du Magnolia, donc la fleur avec les pétales qui autour, et donc c'est tous ces personnages qui gravitent entre eux, on va dire. Ouais. Après, il y a d'autres explications plus ou moins fumeuses de. Il y a des cultures où la racine de Magnolia guérit du cancer. Enfin, après, tu peux faire plein de trucs, et voilà. Mais après, qu'est-ce qu'il, lui, il a pensé quand il s'est dit Magnolia, ça marche bien? Ouais, moi j'avais vu un entretien, il parlait juste de boulevard. Ouais. Et après, c'était assez juste, mais il savait pas. Il n'avait pas trop envie d'expliquer pourquoi. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est ça, à la base, c'est le boulevard, parce que le nom, le fait que ce soit et le boulevard et la fleur, je pense que c'est déjà pas mal suffisant. Et après, ceci dit, il y a un truc rigolo, c'est qu'ils ont travaillé les couleurs et les lumières du film pour rester dans les tons d'un magnolia, donc le blanc, le beige et tout ça, et le jaune, pour essayer de trouver un truc un peu cohérent, une photo qui est magnifique d'ailleurs. Ouais, c'est trop, trop beau, ouais. Ouais, c'est clair. Voilà. Et après, y avait des scènes coupées quand même. Ça aurait pu être plus long, notamment. Et après, j'ai pas vu pourquoi ils les avaient pas gardés. Les scènes avec le vert, donc le mec qui a tué le gars dans le placard. Et oui, parce qu'on ne voit qu'en silhouette et dont le gamin parle. Il y a des scènes où on comprend qui c'est. Pourquoi il a tué, etc. En fait, c'est le père du jeune rappeur. Ah. C'est le fils de la femme qu'a le mec dans le placard, et c'est donc son beau-père qui est abusif, etc. En fait, et ça recrée un truc. Mais je sais pas. Et il rencontre le gamin prodige, je crois, dans une des scènes. Il rencontre le gamin prodige à un café, et il lui explique tout ça. Et il compare leur rapport à leur père abusif. Quoi. Ah ouais. Donc bon, mais il a peut-être à un moment il s'est dit ça c'est bien de garder le garder comme ombre aussi. C'est intéressant ce personnage qu'on voit pas. Voilà. Ah, d'accord. Et dernière anecdote, 190 fois est prononcé le mot fuck. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Bah, déjà les vieux allongés dans son lit le dit je pense 150 fois. Ouais, c'est clair. Bah, Franck Mackey aussi, niveau fuck ça y va. Ouais, c'est dans la même famille quoi. C'est ça, c'est la famille de Juron. Alors, Qu'est-ce que... Ah bah oui, c'est l'heure de... Je sais, c'est l'heure de quoi. And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes... Et oui, c'est l'heure des Oscars. Oui. Les Oscars et les chiffres. Alors, les Oscars. Ce film... Alors, juste le film, il a eu 3 nominations. Yeah. Il a été nommé pour le scénario original. Hein? Pour la musique, pour le morceau Save Me. Ouais. Le morceau de fin. Et Tommy, qui a eu une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle. Eh oui ! Eh oui, mais il ne l'a pas eu ! Ce film n'a eu rien du tout sur les Oscars, les Oscars des années 2000. Alors qu'en plus, ils ont fait exprès de le sortir en fin 99, quelques jours aux États-Unis dans quelques salles, pour concourir aux Oscars 2000. Et ils n'ont rien eu. C'est ouf. Et sachant que c'était l'année, on regardait tout à l'heure, c'est l'année de American Beauty, Matrix. Enfin, c'est une année où il y a quand même pas mal de choses, mais bon. Et quand même, ces films... tellement bien. Bah, on se disait c'est tout à l'heure, les montages, c'est trop bizarre qu'ils ne soient pas nommés. Trop bizarre. Le scénario, heureusement qu'il est nommé, mais le montage qui va avec, enfin la mise en scène, la mise en scène est tellement maîtrisée sur un truc qui n'est pas évident, quoi. Un film choral comme ça, où tout le monde a sa part et tout le monde sort bien, enfin, c'est fou. Et surtout, Tom Cruise qui n'a pas gagné quand même. Et oui, et en plus, tu sais, je te l'avais dit, je crois, une fois, tu sais qui c'est qui a gagné ? Ouais, Michael Caine. Ah oui, Michael Caine dans dans La Part du Diable ou un truc comme ça, je sais plus comment. Dans La Maison du Cidre. Dans La Maison du Cidre ? Ouais, les règles. L'œuvre de Dieu, La Part du Diable. The Cider House Rules. Ah ouais ? Oui, c'est ça. Maison c'est pas du ça ? Si, si, mais c'est le titre français. Ah, okay. Le titre anglais, c'est The Cider House Rules. Il y a un film, moi j'avais lu les livres, j'aimais beaucoup quand j'étais ado, et c'est un film plutôt pas mal. Mais franchement, Il y avait aussi Judd Law pour Le Talentueux Monsieur Ripley, Michael Clarke Duncan pour La Ligne Verte, et Allez, Joel Osment pour Sixième Sens. Et c'est le Michael Caine. C'est Michael Caine. C'est le film qui a finalement le moins survécu au temps. Ouais, c'est clair. Bon, ah, c'est fou quand tu regardes l'année 2000 aux Oscars, il y a quand même énormément de trucs. C'est balèze. Très bizarre, coïncidence. Et alors après, ceci dit, bon, okay on a compris. Va. Mais dans l'équipe, là, il y a tellement de monde qu'il y a forcément des Oscars. T'en vois combien des personnes avec des Oscars ? Phil Hoffman, là, Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, il en a eu 1 et 3 nominations. Ouais. Julianne Moore pour pareil, Alzheimer. Julianne Moore, elle a eu pour Still Alice. Ouais, un Oscar. Sur l'Alzheimer, non ? Ouais. C'est un film, ça. Et elle a eu 3 nominations. Après, il y a John C. Reilly. John C. Reilly, il a eu une nomination pour Chicago, mais il n'a jamais eu d'Oscar. Il était bien dans Chicago. Ouais. Thomas Anderson, non, il y a pas Thomas Anderson, il n'a jamais eu d'Oscar. Il a 11 nominations. Pour 6 films présentés aux Oscars, 11 nominations. Honte. Et il a encore pas eu cette année, d'ailleurs, avec Licorice Pizza. Ah ouais ? Non, il n'a rien eu. Oh là là, il a eu des nominations, mais il n'a pas eu de... Bon, bref, je ne fais même pas... je ne sais pas, qu'est-ce après... Je pense qu'il te manque... Moi, j'ai encore... j'en ai deux encore, deux personnes qui ont eu... Acteur ou pas ? Un acteur et une personne du service technique. Un acteur ? Ouais. Je ne vois pas du tout. C'est Jason Robards, donc Earl Partridge, qui a eu 2 Oscars pour notamment un second rôle dans Les Hommes du Président. Très bon film. Il fait le chef du journal, je crois. J'ai pas vu. Et dans Julia. Et après, dans les nominations, il y a aussi Melinda Dillon, donc qui fait Rose Gator, la femme de Jimmy Gator. Ah ouais. Qui a eu 2 nominations. Il y a William H. Macy. Ouais. Qui joue Donnie, l'enfant prodige, qui a eu une nomination pour Fargo. Ouais, il est trop fort, ce comédien, quand même. Et un autre qu'on a oublié, du coup, qui a eu un Oscar, c'est le chef-op, le directeur de la photo. Ah, bien. Il a eu un Oscar sur There Will Be Blood. Bah oui, de... Paul Thomas Anderson. Tout à fait. Très bien. Wouh, fin pour un Oscar. Fin du point Oscar. Les sous-sous, rapidou. Allô. Alors un budget... budget compact, 37 millions de dollars. Correct, pas cher. Mais par contre, un box-office, c'est pas ouf. Non, c'est vrai ? Non, ça n'a pas trop marché. Ça a remporté 48 millions de dollars. Ah. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Avec mondial, les castes. Ouais. Après, heureusement que ça coûtait. Alors après, j'ai eu un souci sur le salaire de Tom Cruise. J'ai lu plein de trucs. J'ai lu un truc comme quoi il aurait accepté pour 100 000 dollars. Et j'ai lu un truc où il avait normalement à cette époque-là il était payé 20 millions de dollars et il a accepté d'être payé que 13 millions. Je pense que c'est plus ça, non, 13 millions. Mais je sais pas trop. J'ai pas trouvé. Ah, c'est faux. La vraie réponse. On lui demandera un jour. On lui demandera un jour à Tom Cruise. Eh bien, Tom Cruise, du coup, parlons-en. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de sa performance? Ah, c'est génial. Et de la place que ça a, quoi. Oh là là là là. Génial. Génial, génial, génial. Non, mais j'adore. Je le trouve hyper juste dans ses personnages complètement fou, mais en même temps très lucide. Je sais pas, il y a un truc. Parce que, il n'est pas complètement détestable, je trouve. Il a un truc un peu bien, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est ça, c'est que tu vois t'as toute la première partie jusqu'à l'interview, on va dire, où il est vraiment sur ce personnage qu'on avait un peu déjà vu, le mec en excès, nos limites, qui va en faire des caisses. En plus, il joue le côté physique avec. Ouais. Et puis, il joue de son image de Tom Cruise, quoi. Donc, c'est hyper marrant. Et après, vraiment, toute la scène de l'interview, où il va basculer vers, où il parle plus parce qu'on lui parle de sa mère, etc. et qu'il la fixe, juste le plan serré, juste sur lui qui fixe. Déjà, tu vois la bascule. Et après, quand il va voir son père mourant, là, c'est. C'est génial, cette scène. C'est vraiment d'arriver du personnage au début à la fin, d'arriver à voir tout ça, c'est hyper balèze, quoi. Jusqu'à qu'il pleure sur son canapé, endormi. Avec cette scène qui, du coup, a été improvisée. Parce qu'il l'avait dit à Paul Thomas Anderson, il a dit je comprends pas trop pourquoi t'as écrit ça. Paul Thomas Anderson lui dit mais eh ben dans ces cas-là, fais comme si c'était ton père. Donc Tom Cruise détestait son père. Il fait comme si c'était ton père. Et vas-y, on va tourner, on va y aller. Et il y avait Philip Seymour Hoffman qui était derrière, hein, comme on le voit dans le film. Et donc Tom Cruise pleure vraiment. Enfin, il a vraiment fait ce truc-là. Et Philip Seymour Hoffman, on le voit pleurer après sur un plan. Et il dit, je pleurais vraiment en fait. Ouais. Et de voir Tom Cruise arriver à sortir toutes ces émotions-là, je me le suis pris dans la gueule. Et j'ai pleuré aussi instinctivement en fait. Ouais. Et apparemment, tout le monde a été bluffé par ce truc. Comment en plus il bascule, parce qu'au début il l'insulte, donc son père mourant, il lui en veut, et puis il va se mettre à pleurer petit à petit jusqu'à lui demander pourquoi, pas le pardonner, mais en tout cas être triste de sa mort aussi. Ouais. Et c'est apparemment ça a bouleversé tout le monde aussi sur le plateau. Mais tu m'étonnes, mais c'est la scène qui fait, moi-même ça m'a fait craquer en fait. Il y a un moment où t'es là. Tu pleures, quoi. Il y en a tellement des scènes dans ce film où tu pleures, t'en peux plus, quoi. Et celle-là, elle est impressionnante, surtout. Elle est impressionnante. Bah, après, c'est pareil, ce personnage est super bien écrit, quoi. Mm. Et c'est un choix très judicieux, quand même. Et en plus, ça se voit un peu que c'était improvisé, peut-être qu'il ne s'attendait pas trop, mais il y a une chaise qui grince un peu too much au début de cette scène. C'est vraiment gênant, quoi. Et dès qu'il bouge, il fait quoi, quoi, quoi. Mais je pense qu'elle était tellement puissante par rapport à ce qu'il disait qu'ils ont décidé de la garder. Parce que... Ah ouais, je ne pense pas qu'ils en ont fait 20 000 dans des scènes. Non, je pense pas. Mais c'est balèze, quoi. Ah, trop bien. On a un beau Tom Cruise sur ce film. Tu vois, il est sorti peut-être aussi d'Eyes Wide Shut, un peu changé, et un tout donné de lui-même. Et déjà, le fait de dire à Paul Thomas Anderson, en ayant vu ses films, c'est pas du tout ce qu'il fait d'habitude, se dire, moi ça m'intéresserait de bosser avec toi, parce que je pense que ça va être des beaux rôles bien écrits, quoi. C'est clair. C'est toujours assez rigolo, c'est chouette carrière, moi j'arrive toujours pas à saisir le... Tu vois que c'est un mec qui connaît le cinéma quand même, Tom Cruise, qui aime le cinéma. Ouais. Et qui du coup est en bouffe, quoi. Il est très curieux et très travailleur sur ces trucs là, quoi. Mais comment tu vas faire ça? En plus là c'est vraiment le top de sa carrière. C'est le top de sa carrière. Et puis dans la foulée c'est pareil, tu vois, c'est la scientologie à fond, quoi. Tu dis comment son rôle là cohabite avec son rôle de représentant de la scientologie, qui est complètement fou, quoi. Ouais, là il fait un gourou, enfin il fait vraiment ce, et puis tu vois clairement qu'il comprend il a dû comprendre les mécanismes de l'enrôlement sectaire, quoi. Oui. Pour faire ça. Moi ça me fait péter un câble, je me dis comment ça se fait qu'il comprend, enfin il est au courant, il sait ce que c'est un gourou, il sait ce que c'est ces dérives là il l'a joué même, tu vois. Ouais, il a dû en parler avec Paul Thomas Anderson, parce que Paul Thomas Anderson, les sectes, c'est un truc qui va revenir dans sa filmographie, avec The Master, avec Inherent Vice, enfin ça revient quand même vachement, et puis ces images de gourou aussi. Donc tu te dis quand même, quoi, j'arrive toujours pas à comprendre il sait forcément. Alors après ça veut dire que il est aveugle sur la scientologie, quoi. Il se rend pas compte ce que c'est. Il sait pas. Je trouve ça ça continue de me perturber pas mal. Je comprends. Je n'arrive pas à croire. Après, oui, non, je comprends. C'est hyper perturbateur. Ouais, ouais. Ah oui, ce que tu vois avec ce choix de film, avec ces interprétations-là, que c'est un mec intelligent, c'est pas un bonnet qui oui, fait. Oui, oui. Tu vois, c'est pas Vin Diesel. Quoi. Battlefield Heart. Non, mais voilà. Tu vois, John Travolta, tu peux comprendre que bah, peut-être qu'il est pas. Il est pas ouais, super ouais. futé. Quoi. Mais là, il est trop brillant pour rater ses ah, trucs. Tu vois quand même que c'est un mec qui réfléchit. Du coup, comment il. Mais moi, ça m'a fait trop bizarre aussi que Paul Thomas Anderson, quand même, avant ça, il a fait un film qui, certes, a marché et a plu à beaucoup de gens. Mais genre. Tu es Tom Cruise, la putain des stars mondiales. Mmh. Tu es en train de tourner avec Kubrick et tu appelles le ouais. gars qui sort un petit film juste avant et tu lui dis je veux bosser avec toi. C'est quand même. Tu Après, vois, sachant qu'il n'aura pas les budgets pour le payer déjà. Ouais, ouais, parce ouais. que c'est personne quand même. Ah, il a fait un film. Après, c'est pas la première fois qu'il le fait, Tom Cruise. Hein, non. Tu vois, quand il appelle De Palma pour faire Mission Impossible, De Palma, il est plus trop à la mode. Hein. Ouais, il est dans le creux, quoi. C'est vrai là, que c'est beau, ça, quand même. On va le voir, le prochain épisode, il va chercher John Woo. Ouais. John Woo, c'est pas forcément évident, quoi, tu vois, pour un blockbuster américain. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense vraiment, c'est un cinéphile, ouais. Tom Cruise. Il est en plus très, très large dans ce qu'il aime. Il aime autant les films de samouraï que les films de Kubrick. Enfin, c'est assez rigolo, quoi. Ouais. Ouais, bon, voilà. Ah, du coup, tout ça, ça nous fait que. Quelle heure est-il ? Voilà, c'est là qu'il fallait que je le dise. Quelle heure est-il ? C'est l'heure du quiz aux auditeurs. Oui, parce que tout à l'heure, je me suis un peu raté. Là. Mais c'était bien. Je suis désolé. Alors, Serena, le cruisomètre. Bon, vous le savez, ouais. c'est la troisième saison. Le cruisomètre, c'est une note de 0 à 100 exprimée en pourcentage pour ouais. donner notre ressenti à l'issue de cette projection de film sur Tom Cruise, comment il était dedans, sa carrière, l'impact que ça a pour sa carrière, comment on défend ça, est-ce que si on était sa mère, est-ce qu'on serait fier ou pas ouais. Voilà. Serena, cruisomètre, elle est le premier cruisomètre de la J'ai saison. J'ai envie de donner rêver. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Bah, c'est plus que 90, je ah pense. Ah ouais, ouais. Ouais, après, en réfléchissant, je me dis, putain, c'est pas facile. En fait, dans le cruisomètre, ce qui est pas facile, c'est de mettre le film de côté. Ouais, c'est dire, ok, le film, j'ai beaucoup aimé, mais je le replace dans un coin. C'est super dur. Bah, là, c'est la seule fois où il aurait pu gagner un Oscar. Et où il aurait dû sait, le gagner. Il aurait dû, voilà. Et qu'on sait qu'il a été snobé. Donc, je ouais. pense que c'est très important pour sa carrière. Ouais. Oui, et puis c'est un film de cinéphile. Qui ouais. est très très haut dans les, plein Tous de gens les le ressortent tout le temps comme un des plus grands films ouais. des années 2000 enfin donc je pense tu vois on peut pas donner moins que ça c'est trop important pour sa carrière et c'est là aussi je pense qu'il a décidé de dire bah tu sais quoi bah allez vous faire foutre quelque ouais, part ouais, c'est vrai. Et donc je peux pas donner moins que 90 après combien plus je sais ah, pas c'est chaud je pense 93% allez 93 c'est balèze ouais et ben joli hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai du mal. Enfin, je comprends. Enfin, je suis assez d'accord avec toi sur l'impact que ça a, etc. En plus, c'est vraiment. C'est ce qu'on disait déjà sur Stanley Kubrick. C'est de dire, bah ouais, pour nous, c'est un des super arguments. De dire, ouais, mais il a tourné avec Kubrick, oui. il a fait un des plus grands films du cinéma. Ouais. Bah là, avec Magnolia, c'est pareil. C'est un des films qui marque. Une des performances qui marque aussi, dont ouais. on parle souvent. Et du coup, c'est important. Après, c'est. Je n'arrive pas à savoir dans sa carrière qu'est-ce que ça a changé aussi. Autant oui. Eyes Wide Shut, je ouais, vois plus vrai. L'impact que ça a. Celui-là, après, effectivement, ce que tu dis tu vois, sur les Oscars, je crois, ça va me faire monter un peu ma note, je pense. Bah, parce effectivement, que... c'est la bascule de, à partir de ce moment-là, les Oscars, c'est bon, on laisse tomber. Quoi. Il y avait déjà eu Né un 4 juillet où il est passé à côté alors qu'il aurait potentiellement Mais quand pu. Même, il était contre des gens qui étaient vraiment ouais, plus ouais. forts. Là... Là, non, Michael Caine et même tous les autres qui étaient ouais, là non, je suis désolée c'est pas tu vois et c'est aussi l'argument qui est beaucoup utilisé aussi de dire bah là c'est clair tu vois là au moins c'est clair dans les années 2000 ils l'ont snobé ah bah oui. quoi et il le gagnera jamais peut-être. Et c'est vrai que s'il l'avait eu à ce moment-là peut-être que dans sa carrière il aurait plus cherché ce genre de film ah aussi ouais, il peut-être aurait fait une autre vie quoi ouais ouais et puis là après en plus on va le voir sur le prochain film là il part clairement dans l'action et la cascade ouais, où voilà. il va s'éclater sur ça là c'est les BVM quoi ouais là après il va continuer un petit peu de temps en temps parce qu'il y a quand même cet amour du cinéma je pense qu'il reste et il va faire des choix plus ou moins audacieux parce qu'il y a des trucs par amour du cinéma oui. qu'il va faire on est moyen d'accord quoi. Mais effectivement peut-être que s'il avait eu l'Oscar ça aurait j'arrive pas à savoir dans quelle mesure ça aurait changé bah peut-être on n'aurait pas tu vois tout la série Mission Impossible. On se serait arrêté aux 3, je pense. Ouais, C'est possible. Je pense qu'il n'aurait pas relancé pour en faire ce qu'il a. Enfin, bah, merci Dieu qu'il l'a fait, tu vois. En fait, qu'on l'adore, mais... disons que c'est la mission impossible, ce qu'il relance, c'est parce qu'il y a la scientologie qui tombe et qu'il faut qu'il n'est plus tout seul. En fait, il est tout seul à bord, il n'a plus Paramount, il n'a plus rien. Donc, il faut qu'il relance d'autres choses. Oui. Il y a un peu ce truc-là. Est-ce que avec un Oscar, il plonge autant dans la scientologie? Est-ce que finalement, s'il y a un Oscar, la scientologie ne devient pas plus puissante, quoi. Ouais, c'est ah là là. Bon, bref. Et du coup, j'ai pas donné ma note. Donc, moi, à la base, j'avais prévu de mettre 84%. Ah, ok. Ce qui me donnait, en fait, c'est pour qu'il soit au-dessus de Rain Man dans mon classement perso. Ouais, je comprends. Tu vois. Ouais. Mais peut-être que 84, c'est pas assez au-dessus. Je pense 88, effectivement. Ouais. Je vais mettre 88, tu vois. Youpi! Tu m'as un peu convaincu à le remonter. Bien. On verra si la semaine prochaine, dans deux semaines, j'arrive à te convaincre de monter ta note, parce que je pense qu'on va pas être d'accord. Ok, Rotten Tomato rapidement, 83%. Ah ouais. C'est pas, je m'attendais à plus, moi, mais parce que je lisais toutes les critiques, toutes les critiques de journaux que je lisais. Après, s'il y avait des trucs qui ressortaient vachement, c'était le côté un peu prétentieux, tu vois. Sérieux? Ouais, pour plein de critiques, Paul Thomas Anderson, c'est un mec prétentieux. Alors. Est-ce que le mec il maîtrise, c'est prétentieux? Parce qu'ils disent aussi oui, mais c'est voulu et c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'inspiration d'autres cinéastes. D'accord. Tu vois, de Robert Altman, de Scorsese, tout ça. Enfin, tu le vois. Hein, mais Paul Thomas Anderson s'est jamais défendu. Enfin, il a jamais dit que c'était pas le cas. Quoi, il l'assume. Ah ouais. Notamment Robert Altman, il adore ça, et Robert Altman adore le cinéma de Paul Thomas. Adorait le cinéma de Paul Thomas Anderson et se faisait des ping-pong entre les films. Donc c'est normal en fait que tu cites plus ou moins directement les grands cinéastes d'avant en fait. Il y a un moment, donc c'est un peu bizarre qu'il y a beaucoup de trucs où c'était sur ce truc-là. Enfin, beaucoup de critiques bizarre, sur ça. Pour après, dire, c'est sûr, les deuxièmes films, il a fait quand même un truc hyper bien. Il se la pète un peu avec un cast des ouf malades. Il dit, il avait carte blanche des producteurs. Je pense que des fois, ça peut. Il y a une espèce de jalousie un peu. Mais quand même, aussi, parce que... il se la pète un tout petit peu, quoi. Et du coup, ça... Ouais, puis je peux... après, il se la pète, mais tu vois, quand il le produit, à la base, ça devait être un petit projet. C'est juste parce que le film voulait qu'il s'est devenu plus gros. Ah, de toute façon, il est génial, ce gars. Donc... Après, il est apparemment tyrannique sur le plateau. Tout le monde tout le monde dit ça. Mais parce que c'est un. Mais comme Kubrick, tu vois. C'est les mecs qui sont trop à fond. Ils savent qu'ils doivent tout maîtriser. Ils savent absolument où ils vont. Ah donc ouais. Forcément, sur le plateau, ça doit être un peu ingérable et peu relou. Encore, hein. Ça, c'était notre Rotten Tomato. Je vais pas faire de questions du jour parce que je pense qu'on est déjà... On est pas mal, là. On est déjà pas mal. On va attaquer directement sur les recommandations. Allez, Serena, ta recommandation. Alors, moi, c'est assez basique et simple. En gros, j'aime c'est beaucoup les films. C'est toute la filmo de Paul Thomas Anderson. C'est ça, un peu. Mais notamment deux... Licorice Pizza quand même qui vient de sortir et que vraiment j'ai bien aimé et je suis allée au cinéma et qui était je trouve très très très intéressant et j'ai pareil raté. Ça passe hyper vite et il faut le voir et Punch Drunk Love. Ah oui, j'ai jamais vu Punch Drunk Love qui est trop bien, qui c'est a un petit truc. Une comédie romantique. Oui, ouais. Un tout petit truc, mais super bien, très juste, un peu rigolo. C'est pas très intello, tu vois, mais vraiment, vraiment avec Adam Sandler quand même. Et dans un rôle super bien. Ouais, je sais pas. Et il y a tout est bien. Tout est bien dans ces films. Trop bien. Et après, tout le reste, en fait. Ouais. Oui, moi, j'avais noté, façon... mais je l'avais déjà dit la dernière fois, The Master, parce que c'était une claque. The Master, c'était une claque, pareil, de mise en scène et de. C'était assez balèze. Ouais, et après, du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé un peu. Du coup, je vais faire une bande dessinée. Oh, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait une bande dessinée. Vas-y, alors, c'est quoi? Ce sera Mr. Miracle. De écrit par Tom King et dessiné par Mitch Gerard. Mr. Miracle, c'est un super-héros de DC qui est le roi de l'évasion en gros. Cet homme-là, enfin cette histoire-là décrite par Tom King, ça traite vachement de la dépression de ce mec et de sa vie aussi, de son rapport aux parents parce que son père c'est un démon, enfin c'est un truc comme ça. Enfin, il a été élevé par des démons, enfin, et c'est assez rigolo quand c'est une histoire de, c'est un super héros, mais c'est pas une histoire de super héros en fait. Et ça fait penser à au genre de film que fait Paul Thomas Anderson, espèce de truc plus profond que ce qu'on voit, et avec les Roland, avec cette espèce de dépression aussi qui traîne derrière, et de comment il évolue là-dedans, c'est assez rigolo. Et après aussi parce que cet album-là, c'est une mise en scène, enfin une mise en case qui est impressionnante. Enfin, la manière dont c'est écrit, dont c'est raconté, C'est génial. C'est un gaufrier de 9 cases sur toutes les pages, mais ça joue avec la mise en scène, avec un rythme, et c'est génial. Et c'est pareil, c'est pas trop explicatif, tu vois. Il y a vraiment, j'ai retrouvé en le lisant, enfin en voyant Magnolia, ça m'a rappelé aussi cette manière de mettre en scène des choses sans le dire, de manière assez fluide, assez évidente, alors que c'est un bon pavé. C'est un peu obscur parce que t'as l'histoire de démons, de machin, etc. Mais en fait, c'est passe. Fluide, et tu te dis, mais faites-en 4 comme ça, mais je continue avec. Quoi. Et du coup, ça m'a rappelé ça. Voilà. Donc, petite recommandation. Mister Miracle. Et faites gaffe, tout doit pas être bon dans Mister Miracle, mais la version de Tom King et Mitch Gerard, qui est sortie il y a 2 ans, je crois. Super. Trop bien. Et ça se trouve chez Urban Comics, je crois. Waouh, ça donne envie. Hey, cool. Ça donne envie. Yeah. Alors, on se retrouve dans deux semaines pour parler d'un film complètement différent. Oui. Un film où il y aura de la bagarre. Ah oui. Où il y aura beaucoup de la cascade. Ah oui. Et de ralentis. Il y aura des ralentis, des colombes, des flammes. Bon, vous avez compris, nous allons vous parler de Mission Impossible numéro 2. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on est. Donc, je sais plus. On est sur Twitter et Instagram. Oui. Cruzometer. Sur notre site internet cruisecontrol.card avec 2R.co. Vous n'hésitez pas à vous parler du podcast à des amis, vous leur dites c'est bien, écoute, vous avez des recommandations, vous avez les anciens épisodes, ouais. Bon, ça vous connaissez, vous mettez les étoiles, les machins, les trucs et tout ça. Oui. C'est chez Express. Podcloud. On est hébergé chez Podcloud, tout à fait, voilà. Chez nos collègues toulousains de Podcloud et qui font du super boulot. Donc si vous voulez héberger votre podcast, enfin créer votre podcast, trouver de l'aide, etc., allez sur Podcloud parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Ben moi, si vous voulez écouter d'autres choses, il y a un plus gros, de 5000 podcasts. Il y a un énorme catalogue qui est hyper chouette, très très varié. Je ne sais pas quoi dire de plus. Bah... Je pense qu'on peut se dire à très vite et des bisous. Des bisous. Just give up.